Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le 16 mai 1871, pendant la commune insurrectionnelle de Paris, une colonne est détruite, et pas n'importe laquelle, la colonne Vendôme. Un peintre est présent, Gustave Courbet. Il est élu au conseil de la commune pour le 6e arrondissement de Paris. Il avait déjà fait scandale en 1850 en peignant un enterrement dans son petit village natal d'Ornans. C'est dans le Doubs, et le voici accusé d'avoir détruit une œuvre d'art à la gloire de l'Empire avec sa belle statue de Napoléon. Courbet est un artiste, bien sûr, aussi un activiste, et il a payé cher cette destruction tout le reste de sa vie. Oui, cette destruction qui a provoqué un véritable scandale. Jusqu'à la fin de son existence, Courbet a dû payer l'érection de cette nouvelle statue. Pour une fois, c'était pas un scandale sexuel à Paris. Des scandales d'artistes à Paris, il y en a toujours eu, mais en 1871, c'était Courbet. Oui, les sociétés ont les artistes activistes qu'elles méritent. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous avons parlé des relations intimes, étroites et parfois difficiles qu'entretient le peuple avec sa police. Ce sont des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en balado-diffusion, c'est le podcast. Et puis vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. Et dans l'actualité, il y a l'affaire Piotr Pawlenski, cet homme qui est entré de manière fracassante dans les élections municipales à Paris, et une affaire qui pose la question de l'artiste, de l'activiste, et qui demande un regard historique. Piotr Pawlenski est-il l'héritier d'une tradition d'action dans l'histoire? Avec vous, Thomas Schlesser, nous allons en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'art, directeur de la fondation Hartung Bergmann, c'est à Antibes, hein, et professeur d'histoire de l'art à l'école polytechnique. Vous avez écrit L'art face à la censure. C'est un ouvrage qui est réédité. Qui vient d'être réédité en 2019. Voilà. Et faire rêver de l'art des Lumières au cauchemar publicitaire. C'est chez Gallimard, et là aussi, ça vient de sortir. C'est vrai que de l'art des Lumières au cauchemar publicitaire ou l'art face à la censure, il faut le dire tout de suite, nous sommes sur des constantes. Oui, absolument. On est sur des constantes. Je dirais au fond qu'il y a, trois grands temps dans les liens entre art et activisme, il me semble. Il y en a un qui ne dit pas tout à fait son nom, c'est quand... à la Renaissance, il y a la conquête de l'individualité, l'émancipation des formes, l'affirmation de l'artiste comme créateur et non plus comme créature. Il y a ensuite la période post-révolutionnaire, et vous citiez Courbet, il en est absolument l'héritier. Puis au XXe siècle, une accélération du phénomène où finalement l'art ambitionne de changer la vie, oui, du tout au tout. Eh bien, cet art qui veut faire changer la vie, qui veut faire rêver, c'est le titre de votre ouvrage, c'est vrai qu'il prend une accélération dans ses problématiques au XXe siècle. Nous allons en parler avec vous également, Morgane Labarre, bonjour. Bonjour. Vous êtes post-doctorant à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Votre thèse s'intitule « La gloire de la bêtise, régression et superficialité dans les arts depuis la fin des années 1960 ». Quelque chose m'a étonné, mais c'est vrai que c'est une idée très simple. Pendant longtemps, il y a toujours des formes d'art, la caricature, mais c'était toujours un art mineur. C'était jamais des grandes toiles exposées dans les musées. Et aujourd'hui, à notre époque, c'est vrai que l'humour, qui jusqu'alors était toujours sur des supports mineurs et considéré comme un art mineur, est devenu une revendication de l'art contemporain. Oui, absolument. Alors ça, c'est toute la tradition du XXe siècle, hein, petit à petit, depuis Dada, grosso modo, pour aller un petit peu vite. Et effectivement, toutes ces choses qui ont toujours relevé, disons, des marges du canon, aujourd'hui sont devenues, et depuis, moi je trace ça depuis les années 60, mais on pourrait proposer d'autres chronologies, sont devenues des formes d'art légitimes, et particulièrement légitimes sur les deux dernières décennies, c'est-à-dire légitimées par les institutions, mais aussi légitimée par le marché et les plus grands collectionneurs qui aujourd'hui font les tendances. Ça fait aussi partie des choses que j'explorais un petit peu dans cette thèse. Ah ben c'est important toujours de regarder l'économie de l'art pour comprendre l'art lui-même. Et puis, il y a votre regard aussi aujourd'hui sur la question qui nous intéresse, c'est-à-dire cette affaire Piotr Pawlenski, cet artiste activiste, Perrine Poupin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue. Votre thèse s'intitule « Action de rue et expérience politique à Moscou ». C'est pour ça qu'on voulait vraiment vous avoir, parce que regard de la sociologue et puis votre regard sur cette création artistique à Moscou. Votre thèse est sous-titrée « Une enquête filmique ». C'était quoi la démarche ? La démarche, justement, c'était de venir à Moscou et en fait d'interroger en fait qui étaient les utilisateurs de l'espace urbain, quoi, qui en fait menaient des actions politiques dans la rue, et du coup de voir tous les utilisateurs, que ce soit des militants ou des artistes. Et ma démarche, c'était justement de filmer les actions. Et dès le début de mon terrain, en fait, j'ai rencontré des artistes, donc de filmer, de pouvoir discuter des formes aussi esthétiques des actions qui prenaient place à Moscou. Eh bien, pour commencer, je vous propose de retrouver un acteur, bon, c'est pas un acteur russe, hein, mais enfin, c'est un acteur sublime, c'est Michel Piccoli, qui, en novembre 1968, évoquait ce qu'il considérait être l'engagement politique des acteurs. Un comédien peut s'occuper de politique, à votre avis ? Ah, je trouve qu'un comédien... Moi, je m'occupe de politique, enfin, je m'en occupe. Oui, je m'en occupe. Disons que ça me tracasse, ça m'importe beaucoup. Et je vois pas pourquoi un acteur ne s'occupe pas de politique, puisque notre métier dépend de la politique et de l'économie autant que si j'étais marchand de vin ou industriel. Est-ce que vous êtes gaulliste ? Pas du tout, non. Est-ce que vous avez manifesté pendant les événements de mai ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Oh, j'ai essayé de réunir ma profession, j'ai essayé de comprendre ce que disaient les vrais manifestants, tout au moins ceux qui ont pris l'initiative. Et alors, qu'est-ce que vous avez compris ? J'ai compris que ce qui s'est passé au mois de mai était indispensable et a profité à tout le monde. Pour l'instant, on dit que ça a échoué, ce qui est normal, mais c'est un passage, c'est pas un échec. Pas un échec. Mais avec Michel Piccoli en 1968, ce que nous entendons, c'est un acteur qui prend part au débat politique, un acteur de cinéma. Vous, Perrine Poupin, ce que vous regardez, c'est comment le cinéma lui-même est créé pour être œuvre politique. Le cinéma est aujourd'hui, parce que nous sommes quand même en 2020, il y a d'autres formes d'action filmique, les vidéos, c'est de la création pour être une action politique. Ben, mon objet de recherche, c'était de voir des actions, quoi, de les analyser. Et donc, comme je filme aussi, c'était de pouvoir échanger sur ces films. Donc, c'était pas, enfin, l'objet était pas le film. C'est l'action. C'était l'action elle-même, quoi. Mais aujourd'hui, ces actions sont diffusées très facilement. Et ces vidéos, alors, pour la Russie, elles sont essentielles. C'est-à-dire que faire l'action et la diffuser est un acte politique en soi et aussi un acte artistique. Oui, exactement. Oui. Et puis on voit en fait dans les formes d'action contestataires du côté des artistes depuis les années 90, ce qu'on appelle l'actionnisme moscovite, c'est qu'au départ en fait l'action a été tournée plutôt vers la communauté des pères, une action en fait qui suffisait à elle-même sur place et qui était discutée après de manière informelle. Et justement avec l'outil numérique, l'outil vidéo, maintenant en fait ça fait partie, enfin c'est une action, enfin c'est une dimension vraiment essentielle des actions, donc qui est discutée à l'intérieur même de l'œuvre. Pour rendre les choses concrète, Perrine Poupin, ces actions peuvent prendre quelle forme ? Ben, en fait, si on part de la chute de l'URSS, donc en fait, on pourrait parler du lien entre art et politique au 19e siècle, au début du siècle en Russie, il y aurait beaucoup de choses à faire et à dire. Mais en fait, à partir de 91, en fait, on voit que la rue est finalement disponible. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui viennent l'investir. Mais il n'y a pas de champ culturel, il n'y a pas vraiment de réception institutionnelle, il n'y a pas d'institution de l'art. Et du coup, on a des artistes qui se considèrent comme artistes, qui peuvent avoir la possibilité d'aller en Europe, d'échanger avec des idées, de découvrir des auteurs comme Debord, enfin tout un tas de livres qu'on ne pouvait pas lire à l'URSS. Et en fait, donc dans les années 90, on investit la rue pour avoir un lien direct avec la population et aussi parler directement au pouvoir. Et donc la première action en fait en 91 de ce mouvement-là, c'est en fait de constituer avec les corps des artistes qui invitent des amis militants pour vous dire le lien justement entre artistes et militants et aussi des passants qui se trouvaient là près du Kremlin, de constituer en fait avec leur corps le mot rouille qui est le nom, enfin ça veut dire pénis en russe, et justement en fait d'avoir un peu une action provocante. Et petit à petit en fait au fil des années en fait on va avoir une accélération aussi dans des années 90 aux années 2000 sur en fait et qui correspond, c'est peut-être pour ça que enfin le sociologue ou l'historien est intéressant dans cette analyse là en fait on va avoir une accélération en fait de la dureté des actions. Donc on va avoir à la fin de la chaîne, on peut dire Pavlensky qui nu va se clouer en fait les testicules voilà sur la place sur près de encore une fois du Kremlin, et donc une violence on peut dire en fait de l'acte. Quoi. Ce que vous nous dites, Perrine Poupin, est que cela s'inscrit sur un temps long d'action avec une radicalisation. Thomas Schlesser, c'est vraiment ça l'action artistique, ou l'artiste qui s'engage, mais qui engage son art pour faire de l'action. Cela ne peut se comprendre que sur un temps très long, parce que nous avons évoqué Courbet que vous connaissez très bien. Courbet, il y a de l'action, mais son art lui-même est une forme d'action, mais pas si radical que ça. C'est très important ce que vous soulignez là. C'est-à-dire que chez Courbet, il y a quelques tableaux engagés. C'est évident. Vous citiez un enterrement ornant, cela en fait partie. Il y en a quelques autres. Mais chez Courbet, en fait, la dimension politique est plutôt le relais de son œuvre. C'est-à-dire que quand on parle de Courbet, il faut bien imaginer que c'est quelqu'un qui se crée une légitimité, une grande légitimité d'artiste, d'artiste courageux, d'artiste révolutionnaire sur le plan esthétique, c'est certain, et qui ensuite, dans ses engagements militants, et notamment contre le Second Empire, c'est-à-dire contre Napoléon III, dont il considère que, sans doute à raison d'ailleurs, il fait preuve d'un autoritarisme répressif et abusif, Ensuite, en s'engageant dans la Commune, c'est là où il fait véritablement preuve d'un véritable investissement politique. Donc, je crois que c'est très important de mesurer, en effet, certains artistes qui peuvent produire une œuvre qui ensuite leur permet d'avoir une caisse de résonance supplémentaire dans le débat public, et ceux qui véritablement confondent les deux. À cet égard, si vous permettez, Xavier Mauduit, je voudrais juste préciser une petite chose sur Michel Piccoli qu'on a entendu tout à l'heure. Je crois que j'entends très bien ce que dit Piccoli. Il faut également entendre ce que disent le commun des citoyens quand ils ont le sentiment, sans doute à raison, que quand les artistes se mêlent de politique, souvent ça tombe complètement à côté de la plaque. Et que c'est pas parce que l'artiste a sans doute un surcroît de légitimité supplémentaire du fait d'une espèce d'aura historique qu'il faut imaginer que tout ce qu'il dit sur le plan du quotidien, dans toutes ces interventions, j'allais dire micro-politiques, est intéressant ou intelligent. Pas du tout. Et je crois que ça agace aussi une partie aujourd'hui de nos concitoyens, c'est de se dire, mais au fond, pourquoi est-ce que un tel, au prétexte qu'il a des grands rôles sur les écrans ou qu'il est exposé dans les musées, aurait des choses plus intéressantes à dire sur l'écologie qu'un autre? Et c'est une vraie question. Oui, c'est la question qui est au cœur, en fait, de ce qui se passe avec la figure de Piotr Pavlensky, donc qui se présente comme artiste, qui a une action artistique évidente et qui aujourd'hui entre dans la campagne présidentielle en diffusant des vidéos intimes de Benjamin Griveaux. C'est une démarche artistique ou pas? Enfin, je vous pose la question de manière très bête et très crue, Morgane Labarre, parce que vous avez étudié la gloire de la bêtise. Et donc, non, mais est-ce que c'est une démarche artistique? Je ne sais pas si la démarche est artistique ou pas. Je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais je crois qu'elle s'inscrit en tout cas dans des pratiques qui se développent particulièrement depuis 20-30 ans. qu'on peut désigner comme de l'artivisme, ce mot valise entre art et activisme. Ou moi, je préfère parler d'activisme culturel parce que justement, je ne sais pas si ce sont des œuvres d'art ou pas. Et le champ de l'art s'est considérablement élargi depuis un certain nombre d'années. Donc c'est assez difficile. En tout cas, moi, ce qui me frappe, je pensais à cette image des testicules cloués sur la place rouge. Et ça fait mal, hein. Ça fait mal. D'y penser. Et ça me fait surtout penser au fait que, pour moi, on a basculé complètement dans l'ordre de l'activisme plutôt que de la question artistique ou culturelle. Parce que des images de testicules cloués, on en a dans l'histoire de l'art contemporain. On en a chez Robert Mapplethorpe. On en a avec Bob Flanagan. Ou on en a avec Renaté, qui sont des performeurs, performances sadomasochistes dans les années 80-90. On a ces choses-là, ça existe. C'est orienté vers la question du désir. Bon, voilà. Et là, tout ça est complètement évacué pour avoir quelque chose de purement politique, entre guillemets, et ce qu'on en retient, c'est la valeur choc. Et à cet égard, la chose que je voulais rajouter aussi, et j'abonde complètement dans le sens de Thomas Schlesser, c'est que, en fait, ce que fait Pavlinsky, c'est que l'artiste, aujourd'hui, certains artistes, endossent le rôle qui était celui de l'intellectuel, de l'écrivain à la fin du 19e, disons. On utilise son statut médiatique pour prendre la parole et faire passer un message. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on a un statut médiatique qu'on a forcément quelque chose d'intéressant à dire. Eh bien, justement, nous allons écouter Piotr Pavlinsky qui parle de son œuvre, de son art. C'était en octobre 2016. Je voulais dire tout d'abord que je travaille avec le corps. Le corps, c'est quelque chose qui nous appartient. Notre temps, c'est quelque chose qui nous appartient. Donc, le corps et le temps, ce sont nos ressources que l'État s'efforce de nous prendre. Tout appareil d'État est organisé de façon à faire des humains un matériau de production. Donc, l'art, c'est une conversation des relations entre les sujets et les objets. C'est Piotr Pavlinsky qui parle en octobre 2016 et qui a un discours militant. On entend vraiment que sa volonté de dénoncer un État oppressif, l'économie qui s'insère partout, et une démarche artistique qui porte sur le corps, ce qui est intéressant parce que le corps est vraiment le support de l'art de la fin du 20e siècle. Quand vous écoutez ce qu'il dit, vous entendez plutôt un militant ou plutôt un artiste, ou sans doute les deux, ou un discours de militant matinée d'artiste. Je ne sais pas, Perrine Poupin ? Oui, en fait, faut bien voir que dans le contexte russe, en fait, cette définition de la frontière entre militant et artiste, c'est quelque chose qui est beaucoup débattu. Et dans les communautés d'artistes. Et donc, en fait, les gens considèrent, en fait, c'est ce que je disais, l'actionnisme russe, cette manière d'utiliser son corps dans l'espace public, est vraiment une pratique consacrée avec même trois vagues, on peut dire. Enfin, je vais pas les restituer ici, mais bon, toute une histoire complexe des années 90 à maintenant. Et du coup, Pavlinsky est considéré comme un artiste. La dernière action avec les vidéos de Griveaux sont considérées comme par Pavlinsky comme une démarche artistique, mais c'est aussi débattu à Moscou, enfin dans les communautés d'art. Est-ce que c'est une démarche artistique? Est-ce que c'est une action faite par un artiste? Mais je pense qu'on peut, enfin on doit restituer le contexte russe où justement en fait comme ce que je disais tout à l'heure, par exemple au début des années 90, on n'a pas d'institut d'art, en fait, on n'a pas d'institution, et du coup, en fait, tout l'enseignement de l'art s'est fait par des écoles informelles, en fait, à Moscou. Et du coup, on a une transmission comme ça, où finalement, on a une grande ouverture à ce qu'est le champ de l'art. Toute personne intéressée par l'art pouvait rentrer dans ces écoles informelles, et du coup, une définition de ce qu'est un champ artistique, un art qui est beaucoup plus souple, et donc avec des côtés positifs, c'est-à-dire que y a des choses qu'on a pas dans le champ de l'art, et des choses qui nous choquent plus en France en disant mais qui... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est et qui va mettre fin à ces définitions-là ? Thomas Schlesser ? Je voulais ajouter quand même une chose là-dessus, c'est que le contexte russe et le contexte français n'est évidemment pas le même. On est en France, dans un pays dit démocratique. Alors, je ne dis pas que la Russie n'est pas une démocratie, mais c'est une démocratie pour le moins autoritaire. Bon. Et évidemment, ce qui est très intéressant avec la découverte de Pavlensky, je crois, auprès du grand public français, c'est de s'apercevoir que des actions qui peuvent, je crois, avoir leur grande légitimité politique dans un contexte russe, deviennent quelque peu embarrassantes dans un contexte dit démocratique. Encore une fois, je dis pas que la France est une démocratie parfaite et que la Russie serait un abominable pays. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais bon, on peut pas non plus mettre tout exactement sur le même niveau. Et je crois que ce qui frappe un peu tout le monde là avec cette affaire Pavlensky, c'est au fond que dans un pays où notre bien le plus précieux est la liberté, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de création, on peut avoir le sentiment que Pavlensky, en agissant ainsi, usurpe un petit peu ce droit. Et que ce qui a été conquis dans les larmes et dans le sang pendant des siècles et des siècles doit être ensuite utilisé au profit de l'émancipation des consciences et du progrès civilisationnel. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il y a tout à mettre à la poubelle chez Pavlensky, loin de là. Mais il faut bien avouer que il y a une espèce d'ambiguïté. On a envie d'un côté de le défendre au nom de la liberté d'expression et de création, et d'un autre côté de dire, le problème c'est que là, c'en est véritablement un mauvais usage. Et que notre liberté, c'est aussi la liberté de critiquer ceux qui font usage de la liberté d'expression. Ça, c'est une analyse qui nous conduit directement à la problématique du moment. C'est vrai, c'est cette question de la liberté pour la définition d'une œuvre d'art, pour la mise en place de la censure. Thomas Schlesser, qu'est-ce que c'était mieux au 19e siècle? Pour définir une œuvre d'art, on avait l'Académie des Beaux-Arts, et pour la censure, on avait l'État. Oui, et puis en plus, la censure était nommée. C'est-à-dire que il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la censure n'existe que dans la bouche de ceux qui se sentent censurés. Il n'y a plus de censure officielle. Il n'y a que des interdictions au nom de la préservation de l'intérêt commun, de l'intérêt général. Au XIXe siècle, c'est vrai que les limites étaient beaucoup plus claires. Nous allons écouter deux artistes, Marina Abramovic, donc serbe, et Jean Fabre, belge, qui, dans Surpris par la nuit, nous étions en juin 2005, évoque ce qu'est une performance en France. Marina Abramovic, vous dites qu'en France, il n'existe pas de performance. In France, no performer, no really performance. Mais à la France, la situation, c'est très difficile, parce que la France est un pays assez conservatif, toujours. Et la performance, c'est toujours une chose qui n'est pas vraiment acceptée ici, dans le milieu français, surtout de jeune génération, on fait les choses que c'est plus sûr, comme la peinture, la sculpture, l'installation. Et je trouve qu'il y a très peu le jeune artiste français qui fait la performance à ce moment. Yann Fabre. Yeah, I think together with Marina tomorrow, it's a performance we will create on the moment itself. Demain, nous ferons ce que j'appelle une performance-performance, que nous créerons dans l'instant, ici et maintenant, avec notre corps et notre mental, et qui n'existera qu'une seule fois. Marina Abramovic et Jean Fabre qui évoquent la difficulté de faire des performances en France. Et c'est vrai que dans un monde de liberté, il est difficile de s'exprimer, surtout quand les limites sont poussées de plus en plus loin. C'est vrai que dans ce cas-là, Morgane Labarre, on voit très bien que l'on cherche différentes formes. Vous avez étudié, c'est la bêtise le mot qui apparaît dans l'art, mais c'est beaucoup plus que ça. Quelles sont les formes d'armes, en fait, qui veulent choquer, provoquer, parfois provoquer du rire, mais il faut s'affirmer de plus en plus. Et il y a aussi cette question sur l'art d'aujourd'hui, notamment c'est ce que fait Piotr Pavlensky en se clouant les couilles, c'est aller de montrer qu'on peut aller loin, quoi. C'est provoquer, c'est toucher, mais la limite est de plus en plus éloignée. La limite par rapport à quoi? La limite par rapport à ce qu'il faut faire pour faire réagir le public. Ah, alors oui, là on est dans un état où on a l'impression qu'on a tellement repoussé de tabous que on ne sait pas quel est le prochain. On a du mal, on se casse un petit peu la tête pour trouver quelle sera la prochaine provocation qui fera le buzz entre guillemets. Mais ça fait un petit moment. On a l'histoire de l'art du XXe siècle est en partie seulement une histoire de transgression systématique des normes précédentes, que ce soit les normes esthétiques, normes morales, normes politiques, etc., etc. Je voulais juste réagir à ce que disait Marina Abramovic. Tu as très peu de performances en France. Oui et non. Je ne vais pas parler de la performance très très contemporaine, mais je pensais simplement en pensant aussi à Pavlinsky. Orlan a fait un certain nombre de performances assez engagée, alors elle ne s'est pas clouée quoi que ce soit publiquement, mais quand elle fait le baiser de l'artiste à la fin des années 60, début 70, j'ai oublié la chronologie, à la FIAC, elle propose qu'on lui donne une pièce de 5 francs, qu'on mette une pièce de 5 francs dans son costume en forme de fente et qu'elle donne un baiser aux visiteurs. Bon, pour dénoncer le fait que quand on est une artiste femme, on n'existe pas et on a besoin de se vendre, etc. Elle se fait renvoyer à ce moment-là de l'école d'art dans laquelle elle enseigne et elle est jeune artiste. Et bon, vous imaginez la violence de la situation. Ça existe aussi, ça a existé aussi en France, ce genre d'action politique et en même temps clairement inscrite dans une tradition de performance artistique. C'est vrai que Morgane Labarre, je vous posais cette question des limites à repousser, parce que pour faire réagir les gens, c'est vrai que ce que faisait Orlan avec une pièce de 5 francs, aujourd'hui, ne choquerait pas, les médias n'en parleraient pas. Se coudre les lèvres, on en parlerait peut-être un peu, mais pas tant que ça, parce que ça s'est vu. En cela, ce que fait Piotr Pavlinsky rentre dans la démarche de faire parler. Oui, oui, certainement, certainement, il y a... Thomas Schlesser. J'ajouterais que c'est vrai ce que dit Morgane Labarre. D'un autre côté, il y a des nouveaux tabous qui apparaissent et qu'on n'avait pas forcément vu venir. Je suis navré de remettre ça sur le tapis, mais je vous rappelle qu'en avril 2015, le dessinateur Luce dit « Je ne dessinerai plus Mahomet ». Et en juillet 2015, c'est au tour de Riss qui dit « Je ne dessinerai plus Mahomet ». Et depuis, ça fait 5 ans, on a capitulé, je veux dire. On a capitulé. Donc, aujourd'hui, il y a des nouvelles transgressions qui pourraient apparaître. Vous vous rendez compte que même, là, on est en direct sur France Culture, même disant cela, je me sens déjà un peu tremblant. Vous rendez compte à quel point on a intégré certains tabous? Donc, même si on a le sentiment que, évidemment, on vit toujours dans des conquêtes de liberté, non, les interdits reviennent au galop. Et pardon, mais ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, de nouveaux tabous sont en train de nous tomber dessus. Je suis plutôt militant de la cause animale, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont susceptibles de bientôt vraiment générer des interdits. Regarde là-bas. Oui, j'abonde dans ce sens-là parce que moi j'ai été un grand lecteur de Charlie Hebdo quand j'étais plus jeune, et aujourd'hui on a peur de rire. On considère que le rire c'est offensant, et ça c'est un vrai problème. Récemment j'entendais Richard Malka, qui était l'avocat de Charlie Hebdo, qui disait à l'époque dans l'affaire des caricatures, on a gagné le procès, et 10 ans après aujourd'hui, ben on a l'impression qu'on a perdu la bataille de la société. Et à titre personnel, ayant travaillé sur l'histoire du rire, de la caricature, du dessin de presse, etc., je suis complètement d'accord avec Thomas Schlesser. Là, on est dans une situation sur ces questions-là de régression. Mais je veux rajouter aussi que la grande sensibilité à certains sujets, et notamment à la défense d'un certain nombre de minorités particulièrement mises au pilori par la classe politique, est aussi un des enjeux qu'il faut prendre en compte. Je ne veux pas prendre... je déplore le fait que, on peut déplorer le fait qu'on ne puisse plus rire d'un certain nombre de choses. Il faut aussi prendre en compte le climat politique qui s'est un petit peu raidi, disons, ces dernières années. Voilà, vous parlez du rire, Morgane Labarre, parce que c'est votre regard d'historien de l'art sur le rire de Dada à aujourd'hui. Et puis, le contexte est essentiel. On ne rit pas, on ne fait pas de l'art de la même manière selon là où on se trouve. Perrine Poupin, c'est vrai que les questionnements pour les artistes à Moscou ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que les artistes à Moscou sont confrontés à un contexte politique qui est complètement autre, et leur démarche vise, notamment on pense au Pussy Riot, à attaquer Poutine. Oui, exactement, et c'est vrai qu'il faut toujours rappeler le contexte, et par exemple pour la Russie le contexte répressif, mais après pour rebondir sur la discussion, c'est vrai que la réception n'est pas forcément évidente non plus en Russie, et il y a beaucoup d'actions en fait, de Pavlinsky ou d'autres, qui sont très mal reçues, et pour des bonnes raisons, des fois pour par exemple des sensibilités religieuses qui peuvent être froissées, et du coup, et c'est vrai que l'action en fait de Pavlinsky en France doit être aussi aussi discuté par rapport à est-ce qu'il a bien compris justement le contexte français. Et en même temps, le contexte français a évolué parce qu'on est depuis quelques années en fait, et surtout depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, on est quand même dans un contexte justement de grande répression, que ce soit par rapport aux Gilets jaunes ou par rapport au mouvement des retraites. Et aussi, et en même temps, en fait, une surmédiatisation, une surprésentation en fait de soi. Et c'est vrai que Benjamin Griveaux était la personne qui avait mis en scène, on peut dire, sa famille. Et du coup, peut-être que si Pavlensky avait fait la même chose dans un contexte plus calme, il n'y aurait pas eu en fait cette réaction-là aussi. Du coup, en fait, on peut dire que les moyens de Pavlensky ne sont pas forcément ceux qu'on attend. Mais en même temps, dans le contexte très répressif et à la fois très sûr de soi de notre époque macronienne, on peut dire... on se dit, finalement, l'artiste, comme vous disiez au début de l'émission, on mérite peut-être cette forme d'action aussi. Quoi. Voilà, on mérite peut-être cette forme d'action, mais c'est vrai que le contexte répressif, et les violences policières, on les a vues. D'ailleurs, on a fait 4 émissions à écouter sur le site internet franceculture.fr. Profitez-en sur la police, et c'est vrai que les historiens, les historiennes tiraient un bilan très particulier du moment que nous vivons. Mais malgré tout, nous évoquons un artiste, Piotr Pavlensky, qui est en France et qui ne vit pas dans un monde de répression de l'art, et au contraire, c'est-à-dire que là, la liberté est presque absolue. Malgré tout, ce contexte-là est essentiel. J'ai presque envie de dire, mais quelle provocation en France de faire ça, c'est-à-dire est-ce qu'on est juste dans la provocation ou la mise en scène de sa personne? Est-ce qu'il ne construit pas son œuvre d'art par lui-même? C'est pas lui l'œuvre d'art en soi. Si, ça très clairement, Morgane Labarre. Très clairement, mais ça c'est une tradition qui est assez pareil. Je laisserai Thomas parler de Courbet pour ça. Je veux dire, Courbet est vrai. Ça commence là. Duchamp, de manière très silencieuse, fait exactement la même chose. Et puis on a Warhol, on a Joseph Beuys en Allemagne, on aura Martin Kippenberger en Allemagne aussi. Des gens dont c'est la personne est aussi importante, si ce n'est plus, que l'œuvre elle-même, ou en tout cas l'œuvre est indissociable de la personne. Donc ça, c'est bon, il est l'héritier de ce point de vue-là, de cette tradition-là. Mais je voulais revenir sur ce qu'on disait juste avant. Tout n'a pas le même statut dans le travail de Pavlensky, et clouer quelqu'un au pilori médiatiquement de cette manière-là, c'est pas la même chose que mettre le feu aux fenêtres de la Banque de France, place de la Bastille, qui est pour le coup, même si c'est la dégradation de biens publics, quelque chose qui symboliquement est beaucoup plus fort. Et dit beaucoup plus de choses. Formellement, la photographie est extraordinaire. Oui, complètement. Oui. Complètement. Donc là, il y a quelque chose qui, en plus, je veux dire, c'est pas de la politique politicienne, on va pas attaquer quelqu'un qui est candidat à la mairie de Paris. Là, on parle d'un réel problème qui est, on vit dans un monde, un capitaliste mondial intégré, où ce sont les banques qui font. Oui, voilà. C'est pas la même chose. L'action c'est pas la sur même la chose. Banque de France, c'est toujours avec cette idée, est-ce une démarche artistique ou pas une démarche artistique, Thomas Schlesser. Non, mais c'est drôle, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le système de défense de Juan Branco, il y a eu dans un premier temps, dans ses interventions médiatiques, une insistance sur Piotr Pavlensky en tant qu'artiste, bénéficie donc du statut de l'OFPRA comme réfugié politique en tant qu'artiste, etc. Et dans un second temps, j'ai remarqué qu'il n'employait plus du tout ce qualificatif. Alors du coup, je suis assez curieux du point de vue de Perrine là-dessus, c'est que il y a eu comme une espèce de mise en avant de cette légitimation, et puis une sorte de pas en arrière, mais je peux me tromper. Perrine Poupin, c'est vrai que le statut de l'artiste russe qui a besoin de protection et qui peut se réfugier en France est complètement compréhensible. C'est le cas de Piotr Pavlensky notamment. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il est ici. Vous avez un élément de réponse à apporter sur ce statut par rapport à la mise en avant de l'artiste réfugié, et puis d'un seul coup on l'oublie un petit peu. Sur la ligne de Juan Branco, je sais pas trop. Après, par exemple, sur l'action de la Banque de France, en fait, toutes les actions de Pavlensky, que ce soit à Moscou, sur l'action de la Banque de France, en fait, il les documente de manière très fine, c'est-à-dire, il produit des entretiens assez nourris, enfin, où il explique sa démarche, et il a une documentation, des photographies, en fait, qui sont, de très bonne qualité. Et c'est vrai que la dernière action, donc celle avec les vidéos de Griveaux, n'a pas, en fait, ce matériau, donc on pourrait se poser la question de autant la Banque de France, c'est une démarche artistique, est-ce que la dernière action L'est aussi, c'est une question. C'est la vraie question. Quelle est la part de l'activisme? Quelle est la part de la démarche artistique dans ce qui vient de se passer, qu'on appelle, allez, pour être générique, l'affaire Piotr Pavlenski? Juan Romano Chocalescu n'est pas seulement un peintre ou un sculpteur, c'est avant tout un animateur d'espace, un modeleur de vide. France Culture, le cours de l'histoire. Quand je crée, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi. Xavier Mauduit. Petit clin d'œil aux inconnus dans le cours de l'histoire. Mais oui, nous réfléchissons au statut de l'artiste. Et le statut de l'artiste est moqué. Non, mais voilà, c'est très drôle ce qui a été fait. Mais vous savez, c'est l'occasion de faire venir quelqu'un qui est un artiste absolument reconnu et qui a joué de ce personnage comme jamais, qui a joué de la bêtise, c'est Dali. Oui. Dali, est-ce qu'un génie confine à la bêtise? Il va y avoir évidemment dans sa réponse des crétins. Est-ce que vous arrivez parfois de penser que votre génie confine à la bêtise? Ah oui, oui, très souvent, puisque je considère que une des traits caractéristiques du génie, c'est très limitrophe au crétinisme. C'est pour ça que si j'aurais les pouvoirs qu'ils avaient les rois d'Espagne, j'aimerais être entouré par des vrais crétins et de plus en plus les microcéphales et ceux que, avec la bouche entrouverte, offrent un constant plaisir dans les coefficients supergélatineux de viscosité. Vous savez ce qui va. Quand la bave du crétin, pour moi, c'est la preuve du génie. Ah, c'est la preuve du génie. Salvador Dali sur la bêtise de l'artiste dans l'émission Lecture pour tous. C'était en mai 1964. C'est vrai que ça vous parle, ça, Morgane Labarre. Ce personnage de Dali qui vraiment est magnifique par son évocation de la bêtise. Oui, on l'a oublié d'ailleurs dans la liste de ces artistes dont la figure est aussi extrêmement importante. Elle est mise en scène publique de lui-même. Oui, ça, c'est savoureux de l'entendre là. C'est un plaisir, mais alors, dans ces artistes, Dali produit des œuvres. Et il y a une maîtrise technique magistrale. C'est vrai que Dali est quelqu'un que l'on peut exposer. Et se pose la question, mais on le sent dans la conversation que nous avons ce matin, est-ce un artiste ou pas un artiste? Est-ce une œuvre d'art ou pas une œuvre d'art? Le regard est différent selon les gens. Et mettre le feu à la Banque de France, pour beaucoup de gens, c'est pas du tout un art artistique. Comment se construit en fait le statut d'artiste, voire le statut est-ce une œuvre d'art? Aujourd'hui, qui a plus d'institution qui peut le dire? Moi, je dirais que chez Dali, en tout cas, il y a quelque chose d'assez fondamental. C'est qu'en effet, il fait preuve d'une grande maîtrise technique en tant que peintre. Et ensuite, il propose une méthode, vous savez, qu'on appelle la méthode parano. Qu'il appelle la méthode paranoïa critique, qui consiste en fait à dire ben, chaque spectateur, chaque membre du public de mes œuvres, et même la société entière, peut intégrer la capacité de transformer le monde environnant au niveau perceptif. C'est-à-dire que quiconque peut véritablement avoir des hallucinations conscientes et faire du monde entier une sorte de spectacle incongru, qui peut confiner à la bêtise et qui relève de la vraie vie. Donc avec cette forme de générosité chez Dali qui consisterait à dire tout le monde peut être un artiste de l'intérieur au fond. Faut quand même ajouter une toute petite chose sur Dali, c'est qu'en matière d'idiotie, il s'y connaissait parce que pour le coup, quand on parle des engagements d'artistes, les engagements politiques de Dali ont été épouvantables. Il faut bien dire épouvantables. C'est un peu sympathique comme ça. Non, je veux dire, c'est quelqu'un qui s'est permis par provocation de glorifier Hitler ou d'être proche de Franco, en toute connaissance de cause. Donc, là encore, je pense que Dali est un artiste extraordinairement intéressant parce que, à certains égards, il est une effraction au nom de la liberté. Par exemple, Lacan l'a défendu en se disant « bah voilà quelqu'un qui comprend qu'il faut légitimer les fous ». Et puis d'un autre côté, c'est quelqu'un qui vraiment peut être tout à fait en dehors de ce qui convient d'imaginer en matière politique. Voilà. Avec ce personnage de Dali, vous voulez rajouter quelque chose, hein, Morgane Labarre ? Ouais, je voulais juste dire que dans le cas de Dali, pour revenir sur cette question de l'extension du domaine de l'art, entre guillemets, dans le cas de Dali, c'est assez facile, puisqu'on peut considérer ses performances ou autres interventions un peu cocasses et loufoques comme des œuvres, parce qu'il est d'abord et avant tout un peintre, reconnu comme peintre, etc. etc. Donc il a ce statut social, médiatique, public, etc. Et les choses se compliquent un petit peu plus quand on avance dans le siècle, à partir des années 60, avec des mouvements comme Fluxus ou des choses comme ça, où on n'est plus dans la fabrication d'objets qui sont traditionnellement associés au statut d'œuvre d'art, des tableaux, des sculptures, etc. Mais n'importe quelle forme d'action peut être considérée comme une œuvre d'art. Et d'ailleurs, l'un des grands mots d'ordre de ces mouvements-là, c'est de dire que tout le monde peut être artiste. L'art, c'est pas le monopole. L'artiste n'a pas le monopole de l'art. C'est pas le monopole du génie. Et donc, tout le monde peut créer. Et on avancera petit à petit dans avec ces choses-là. La performance dans les années 70, ça hérite complètement de cela, jusque dans les années 90, à ce qu'on va pouvoir appeler de l'art participatif ou l'art par projet, où là, on sort même des circuits institutionnalisés de l'art, ces espaces qui légitiment l'art, entre guillemets, pour avoir des gens qui se définissent comme artistes, qui vont proposer des projets à visée sociale, d'émancipation sociale, à visée écologique, le travail urbain, avec des populations, souvent déshéritées, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très présent, toujours à la marge des espaces légitimes, mais qui réinvente complètement les formes d'art. Il y a un ouvrage extrêmement important là-dessus qui est celui de Claire Bishop, je ne sais pas si ça a été traduit en français ou pas, ça s'appelle Artificial Health, et je recommande à tous les éditeurs, sur l'art participatif et la politique du spectateur. Et c'est vraiment intéressant pour voir comment tout ça évolue, enfin tout ce qui a changé et toutes ces reconfigurations des pratiques artistiques contemporaines. Dans votre regard, Perrine Poupin, sur cette reconfiguration des pratiques artistiques, quand vous vous rendez à Moscou et que vous regardez tout ce qui est mis en œuvre comme action, est-ce que vous arrivez à faire la différence entre un artiste qui met en place une action qui devient militante et un militant qui transforme son action pour en faire une œuvre d'art, ou en tout cas utiliser l'art pour le diffuser? Est-ce que c'est facile à voir, ça? En fait, on peut dire qu'à Moscou, les milieux militants et artistiques peuvent se rencontrer dans des soirées ou des endroits informels, mais en fait sont quand même assez hermétiques l'un l'autre. Donc on peut imaginer qu'un artiste fasse des actions à dimension politique, mais on imagine mal en fait qu'un militant... on reconnaît mal un militant des dimensions esthétiques, quoi. Et donc, contrairement en fait à cette perception justement d'une sorte de continuité entre expérience politique, expérience esthétique, enfin comme disait aussi John Dewey sur l'art comme expérience, de dire en fait il n'y a pas de rupture entre expérience politique, expérience artistique, et on peut voir des dimensions esthétiques dans n'importe quelle activité. En fait, en Russie, en fait, les militants payent cher leurs actions, même esthétiques, quoi. Et c'est vrai, en fait, c'est toujours des débats que j'ai avec mes amis artistes engagés, en disant mais bon, si en Russie on brûle la porte du FSB, ou si on se met tout nu sur la place, rien que ça, sur la place du manège ou rouge à côté du Kremlin, et qu'on n'a pas le statut d'artiste, on paye quand même beaucoup plus cher sa performance, quoi. Donc, mieux vaut être artiste. Oui, c'est ça. Après, bon, voilà, est-ce que les services secrets, le FSB, préfèrent en fait avoir le contrôle sur les événements. Donc, est-ce que les artistes ont quand même, même si c'est pas dit officiellement, de certains accords avec les services secrets pour que l'action se passe bien, quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment un fossé. Et en ce moment, par exemple, il y a une semaine, en fait, l'actualité répressive de la Russie, c'était l'enfermement de jeunes qui n'ont rien fait, en fait. Et qui ont pris de 6 à 18 ans, parce qu'en fait le pouvoir les a considérés comme des menaces à l'ordre public. Et donc vous avez des jeunes de 20 à 30 ans, enfin une dizaine de personnes qui se retrouvent dans les geôles du pouvoir et qui, elles, n'ont pas fait le millième en fait de ce qu'un Pavlensky ou un autre artiste. Donc on a un peu un fossé et donc des critères qui sont différents. Ce problème des critères, en fait, parce que moi je le ressens aujourd'hui aujourd'hui, et je pense que de nombreux auditeurs, et même vous, autour de cette table, ressentez sur la définition, est-ce de l'art ou pas de l'art? Mais Thomas Schlesser, vous avez écrit « Faire rêver de l'art des lumières au cauchemar publicitaire », donc la très longue durée, c'est chez Gallimard, eh bien, j'ai presque envie de dire que sans cesse, en fait, la question se pose, est-ce de l'art ou n'est-ce pas de l'art? Vous savez, en 1913, à un moment donné, il y a une exposition très importante qui s'appelle l'Armory Show, donc à New York, et où il y a tous les grands noms de l'art moderne, mais également des impressionnistes, etc. Et le président Roosevelt passe, et il a cette phrase, ce n'est pas de l'art. Alors évidemment, on comprend à cette aune à quel point se recompose en permanence la définition de ce qui est art ou pas. Et malheureusement, on en est souvent réduit à la définition tautologique. Est art ce qui se revendique comme tel. Encore faut-il qu'il y ait ensuite les conditions sociales, sociologiques pour qu'il y ait des légitimations extérieures. Mais on est bien obligé de tourner un peu en rond de cette manière-là, c'est vrai. Marianne Labarre, c'est vrai que dans votre étude de cet objet artistique qui est celui, la gloire de la bêtise, je reprends le titre de votre thèse, Daumier, alors Daumier particulier, parce qu'il est reconnu quand même pour son talent, il réalise des œuvres à côté, mais le dessin de presse n'est pas vraiment reconnu comme un art légitime. Et puis aujourd'hui, on se le représente comme un art. Cette évolution-là aussi est constante sur ces formes d'art un peu en marge. Oui, alors dans le cas de Daumier, ce qui est intéressant aussi, c'est que aujourd'hui, il est reconnu avant tout pour sa caricature et son dessin de presse. Et c'est vrai que quand on voit ces grands tableaux d'histoire par rapport à ce qui se fait à l'époque, c'est dans le ton, mais parfois ça pique un peu les yeux. Il faut quand même bien le dire. Et il ne nous intéresse pas pour sa peinture un peu pompier, autant qu'il nous intéresse pour sa caricature et son dessin de presse. Et cette question des légitimations, dans le cas de Daumier, ça prouve une chose, c'est qu'au 19e siècle, quand on est caricaturiste et qu'on est aussi peintre, on veut accéder à la reconnaissance par ces circuits officiels que sont le salon, etc. etc. Et même, je veux dire, Cézanne veut être au Luxembourg, Cézanne veut être au musée. Et ça va rester une constante. C'est-à-dire, même aujourd'hui, quand on veut échapper au musée, en fait, à moins de choisir vraiment des pratiques d'activisme de marge, on se met délibérément en marge du système de l'art si on fait ça. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile avec les réseaux sociaux, avec l'exposition médiatique qu'on a avec Internet, d'être réinscrit dans d'autres circuits. Mais sinon, le musée reste l'horizon. Voilà, l'horizon rêvé, même du street artiste, l'artiste de rue. C'est vrai qu'il termine exposé au musée. Merci beaucoup à tous les trois. Perrine Poupin, Morgane Labarre, Thomas Schlesser, pour cette réflexion autour de ce qui préoccupe aujourd'hui, est-ce de l'art ou n'est-ce pas de l'art, autour de Piotr Pavlensky. Eh bien, en fait, ça dépend de la vie des gens. Alors, c'est tout simplement ça, il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Kien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, vous rendez hommage à Jean Daniel, mort avant-hier à 99 ans. Grand animateur de la vie intellectuelle française, Jean Daniel nous a quittés en laissant derrière lui son œuvre d'écrivain, de journaliste et d'animateur du débat. Né à Blida, à deux pas d'Alger en 1920, Jean Daniel a traversé son siècle en le regardant bien en face. Auteur du « Temps qui reste » en 1973, il ne savait pas qu'il lui en restait beaucoup du temps, encore un demi-siècle à traverser, un demi-siècle dont il a continué à se faire l'inlassable témoin. Jean Daniel a vu la Deuxième Guerre mondiale depuis l'Algérie en tant que 11e enfant d'une famille pied-noir soudainement exclue de la citoyenneté française. Engagé dans la division Leclerc, il se bat en Normandie et une fois démobilisé, poursuit ses études à Paris, où il fonde son premier titre de presse, Caliban, un succès qui atteint 150 000 exemplaires avant de disparaître en 1951. Mais il a attrapé le virus du journalisme pour toujours et signe désormais dans les colonnes de l'Express pour encourager au pourparler avec le FLN et sortir de la guerre qui a éclaté en Algérie. Il s'entretient avec Fidel Castro et Kennedy en 1963, plus rien ne semble l'arrêter. Il a trouvé sa plateforme de réflexion et son média, qu'il arrange à son idée dès 1964 en tant que rédacteur en chef du Nouvel Observateur. Il le raconte au micro de Jean-Claude Guibaud en 2001. Quand je crée l'Observateur, il y avait ceux qui n'avaient rien à apprendre de moi, qui étaient en général des universitaires, sauf peut-être le métier de journaliste, mais il y avait les jeunes. Et je disais aux jeunes gens, la noblesse de notre métier, c'est le grand reportage, parce qu'il faut y introduire une dimension romanesque. Oui, vous êtes des jeunes romanciers, des littéraires. Il faut que ce soit le journal le mieux écrit de Paris. Et de l'autre côté, il ne faut pas qu'il y ait un seul courant d'idées qui nous échappe. Devenu un des grands commentateurs de l'actualité du Proche-Orient, Jean Daniel construit un espace de débat pour les voix de gauche en les publiant largement dans les pages du Nouvel Obs, parmi lesquelles Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss et l'historien Pierre Nora, mais bien sûr bien d'autres. Une maison accueillante pour les intellectuels qui, comme lui, ne veulent pas choisir entre la connaissance, l'engagement et la littérature. Nous avons, nous, hommes d'écriture, qui n'avons pas de responsabilité politique, le privilège de pouvoir exposer, de pouvoir hésiter, de décrire un débat, d'accompagner le lecteur dans la genèse d'une décision. Et l'idée, à ce moment-là, et presque toujours et encore maintenant, devoir asséner des conclusions avant de nous donner les attendus qui y conduisent me heurte. Et j'ai une sorte d'aversion pour le péremptoire en ce qui concerne la nation, c'est vrai. Hôte par excellence du débat intellectuel, Jean Daniel défend l'idée de nation contre sa ringardisation en entretenant une discussion avec ses grands auteurs, tout en affirmant qu'il ne saurait mourir ailleurs qu'à gauche, un combat à part entière. Merci Anaïs pour cet hommage à Jean Daniel. On retrouve le journal de l'histoire en ligne et en podcast sur le site internet franceculture.fr. Juste, je voudrais terminer dans cet écho. Nous avons évoqué Jean Daniel, grand journaliste. Thomas Schlesser, dites-nous, quand vous regardez, vous, la presse et les commentaires autour de l'affaire Piotr Pawlenski, dont les regards de journalistes, vous êtes historien d'art, vous vous dites, ouais, il y a du boulot. Ou alors, non, c'est pas mal quand même. Ah non, je suis dans. Les commentaires me laissent pantois, je suis effondré par. La vulgarité, la violence, la méconnaissance, à la fois des anonymes de Twitter, mais aussi de beaucoup de journalistes. Alors, je vais pas les citer là, mais non, faut pas. Honnêtement, franchement, ça vole pas haut. Heureusement qu'il y a France Culture. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et c'est vrai que Jean Daniel, lui, était un grand journaliste. C'était Le Cours de l'Histoire, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Sylvain Latu. Une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Camille André, Aurore Jouvenel. Et pour la programmation, Amélie Perrault. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast la semaine prochaine. Il faut nourrir le peuple. Et oui, le pouvoir, quel qu'il soit, royal, impérial et républicain, a une préoccupation, que tout le monde mange à sa faim. Ils n'ont pas de pain, bah, qu'ils mangent de la brioche ou de la bidoche.